la belle au bois dormant. Faudrait peut-être que quelqu'un se décide à la mettre sous perf ou à l'incinérer si vous préférez, mais que quelqu'un en fasse quelque chose. Bref, et tous ces bouts de pain qui traînent au milieu du chemin, dites-moi, c'est la faute à qui? Pousser qui? Pousser quoi? Connais pas. Que font ses parents? Qui sont ses amis? Petite sirène, le samedi soir sur le boulevard, y'en a des biens. Si t'aimes pas le rouge, te gêne pas, vas-y, prends-en un autre. Des chaperons, j'en ai plein. Z, Z, Z, Z, Z, c'est tout ce que tu sais écrire. Arrête ce soporifique, moi je reçois des cartes de l'homme invisible, écrites à l'encre, plutôt sympathique. I love Paris in winter, I love Berlin in spring, I love London in summer, but I love Hong Kong all the time. Le fantôme de l'opéra s'est paumé dans les couloirs de correspondance à Bastille. L'ogre a son site sur internet, ça va plus vite que les mots. Et en plus il a gonflé ses filles. Ma blanche neige est plus blanche que la vôtre, mon prince, hein. Soyez pas jaloux, mais putain, y'a encore quelqu'un qui sème des miettes de pain partout. Alors...